ثم قال كان لوي جي ان اصحابي ليس منهم رجل صالح ابدا ماذا علي ان افعل ولما قالوا زياره الاصحاب تكون فيها ساعه الصدر والفرح وكلا دي مي كاماراد il y a il y en a aucun parmi eux qui soit un homme pieux. Que dois-je faire par rapport à eux? Et que dois-je répondre à ceux qui disent que le fait de rendre visite à ses amis, cela justement épanouit les poitrines et amène la joie? Comment dois-je me comporter par rapport à ce genre de paroles? قال لا يجوز للمسلم ان يصاحب العصار الا اذا كان ينصحهم وينكر عليهم ويتبع في هدايتهم والا فانه يجب عليه يبتعد عنهم ولا يصاحبهم ولا يزورهم الا اذا تابوا. Donc il n'est pas permis aux musulmans de fréquenter les gens désobéissants, sauf si c'est pour les conseiller ou pour les blâmer dans ce qu'ils font, et qu'il lui l'avise à quoi? À leur guider. Il espère leur guider. Sans quoi, il est obligatoire de s'éloigner d'eux, de ne pas les accompagner et de ne pas leur rendre visite jusqu'à ce qu'ils se repentissent. Donc il dit bien lui, tu ne les fréquentes pas parce que ce sont tes amis, dans le but de les blâmer et de leur faire nasiha. Vraiment. Les Yahoud, ils étaient maudits pour cela. Ils disaient à quelqu'un, comme dans un hadith, « Yattaqillah » Voyez, et le lendemain, ils mangeaient avec lui. Comme si de rien n'était. On va dire, « Voilà, c'est pas comme ça en islam. » Même toi, aux yeux des gens, les gens vont devoir marcher avec lui. On va voir toi, mashallah, moustaqim, avec un dans l'apparence, il est connu pour des marassis. On va dire, qu'est-ce qu'il fait avec lui? Soit ça va faire les gens qui parlent sur toi, et tu vas poser cela toi-même, soit alors les gens ils vont dire, ils vont croire que c'est permis, ce qu'ils vont prendre comme exemple. Tu connais déjà comment ils se découvrent quelqu'un qui est moustaqim, si lui il fait, c'est que c'est permis. Et même leurs ashabs qui sont ashabs des Munkarat, ils vont rester avec eux. Et ils n'ont pas le droit, mais ils vont agir, et la responsabilité, elle te l'aura à toi. Car toi, tu n'auras pas agi devant eux de façon correcte. Après, le shir dit, « Qala ta'ala, fa'in ta'abu aqamu salat wa ta'u zakat, fa'yukhwanukum fi d-din. » Si un mille, il se reporte et accomplit sa salat, s'acquitte de la zakat, alors ils sont mon frère en religion. « Wa mafoum al-ayanahum idha lam yatubu, fa'laysa ikhwanana fi d-din. Fa'la nusahibuhum wa la nazuruhum, ila min ajli da'watihim wa talab hidayatihim. » C'est-à-dire, donc, ce verset, on en comprend que quoi? Que ces mille ne se repentent pas, ils ne sont pas nos frères en religion. Là, il parle des koufars. Ou alors, il parle également de ceux qui ne sont pas nos frères dans l'istikama. Car les marassis, lui-même, il le dit, ça ne fait pas sortir d'islam. Donc, on ne les fréquente pas, nous, on leur rend visite, sauf si c'est pour les appeler à l'islam, en voulant leur guider. Et il en est de même, même dans Ziyarat, dans Ziyarat, au Silatir Rahim, les familles, les entretiens de parenté, qu'on a des proches qui sont des gens qui sont des gens du mal, qui font des problèmes, il t'a permis de ne pas les voir. Mais, au minimum, un coup de fil ou des échanges par les moyens qu'il y a actuellement, les réseaux sociaux, WhatsApp, tout ça, tu envoies un petit message dans un autre. Mais si jamais tu te rends chez eux, ceux qui auront du mal, tu n'y vas pas. Tu vas chez eux, par exemple, je sais pas, moi, il y a la télévision, il y a l'alcool sur la table, d'accord? Il y a la mixité dans la maison, il y a de la musique, il y a du porc, il y a du haram à table, tout ça, tu y vas pas. Ou tu sais, quand tu vas les voir, ils associent l'islam, ils se comportent mal, ils font du mal à ta famille, d'accord? Ils font des trucs bizarres, tu y vas pas. Et toi, si tu peux les amener chez toi, ramène-les. Et même si tu les amènes chez toi sans faire du mal, les ramène pas chez toi, mais garde un contact avec eux un minimum. À ce moment-là, c'est permis. C'est pas rompre rien de parenté. C'est se préserver de leur mal. Quand on a, ils font du mal, vraiment. Et même, quand tu es faible, tu peux te faire ramener en arrière, en les fréquentant. Tu reviens avec eux, tu rappelles des souvenirs, des ambiances, et hop, tu craques, tu deviens faible, et tu tombes dans le marasme. Donc, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu vas pas. Tu préserves-toi.